Le fantôme boiteux par Jean-Joseph Renaud. J'habitais alors Montmartre, tout là-haut, rue des Saules, car mes recherches bactériologiques exigeaient un local assez vaste et mes ressources un loyer modique. J'occupais une petite maison vermoulue et commode, une heureuse période de ma vie celle-là, quel travail acharné et tranquille. Je ne recherchais pas la clientèle. Le petit héritage de mes parents m'assurait la liberté du labeur. Pourtant, j'avais quelques malades. Or, un dimanche après-midi, je lisais en fumant, après mon déjeuner, quand on sonna. Et ma femme de ménage introduisit le domestique d'un typhique soigné par moi plusieurs mois auparavant et mort d'une hémorragie intestinale alors que je le croyais sauvé. J'avais recours, depuis, à ce domestique, un solide franc-comtois, pour servir de dîner. « Bonjour Félix, qu'y a-t-il ? Je voudrais bien avoir un petit entretien avec monsieur le docteur, » dit-il d'un air embarrassé. Je renvoyai la femme de ménage et dès que la porte fut close, « Maintenant, Félix, je vous écoute. »« Eh bien, c'est parce que monsieur le docteur n'est pas comme les autres médecins que je viens le trouver. C'est parce que monsieur le docteur s'occupe d'un tas de sciences et qu'il cherche toujours après des découvertes. Voilà. » Il se passe chez nous des choses pas ordinaires. Vous êtes toujours au service de Madame Maillard. Oh, comme du vivant de Monsieur Maillard. Madame, ce serait bien passé de moi. Mais comme le jardinier ne couche pas là, faut qu'il y ait un homme dans la maison. Dame, en ce quartier. Et puis, Madame est malade. C'est le cœur. Elle fait venir un autre médecin que Monsieur le docteur, parce qu'elle dit que vous lui rappelez trop la mort de son mari. Le défunt, un ancien boursier amputé de la jambe gauche, habitait une luxueuse villa bâtie par la fantaisie d'un peintre sur le sommet de Montmartre, au milieu d'un grand terrain transformé en petit parc et clos de hauts murs. Le peintre, par lassitude ou besoin d'argent, avait vendu tout cela pour rien à M. Maillard. Des choses pas ordinaires. Quelles choses ? Je souriais, mais je m'attendais à un récit sérieux. Ce garçon, j'avais pu l'observer pendant la maladie de son maître, puis chez moi. Il était intelligent et assez instruit. « Eh bien, monsieur, voilà ce qui s'est passé hier soir samedi. Nous avions fini de dîner depuis longtemps et nous nous attardions dans la bonne chaleur de la grande cuisine, Jacques le cocher, Louise la cuisinière et moi. Nous ne parlions pas ou nous parlions de n'importe quoi, comme cela arrive toujours quand on a envie de se dire des choses importantes. Il y avait un malaise entre nous. Ah oui, que nous en avions des choses à nous dire, des choses que chacun se croyait seul à savoir, mais ça nous effrayait de causer. » Voilà comment l'explication s'accrocha. Jacques, le cocher, qui faisait une vilaine tête, comme depuis plusieurs soirs ça lui arrivait, surtout au moment de s'en aller, prit la bouteille de marc et s'en versa un grand verre. La cuisinière, qui s'intéresse à lui, monsieur le docteur, se mit à lui dire « Mais qu'est-ce qu'il y a donc, Jacques ? Vous allez y mettre vous à la boisson ? C'est que ça me donne de l'assurance pour entrer. » Qui répond « Vous avez-y peur ? Un grand gaillard comme ça ? » Que reprend Louise, et lui de répondre « Oh, c'est pas des rôdeurs de la butte !» À ces mots, nous nous sommes tous regardés avec un grand frisson et dans un silence tel que le tic-tac du coucou nous assourdissait. « Quoi que tu veux dire ?» Que je commence en parlant, malgré moi, tout bas. Et Jacques raconta, à voix plus basse encore, si bien que nous rapprochions par-dessus la table nos trois têtes. « Eh ben voilà, il y a trois soirs, je traversais le jardin. » À cette heure-ci, quand j'aperçus comme une silhouette qui se glissait entre les massifs. Je crus que c'était un maraudeur et je me cachai dans l'allée du labyrinthe pour le choper au passage. Eh ben, notre maître, M. Maillard, il est bien mort, n'est-ce pas ? Nous avons assisté à sa maladie. Nous l'avons vu mort sur son lit, tout maigre, tout jaune. Nous avons suivi son enterrement. Nous l'avons vu descendre dans le trou, au cimetière Montmartre. Nous y avons jeté de l'eau bénite. « Nous sommes bien sûrs de ça. Et pourtant, c'est monsieur que j'ai vu passer. » Il y eut, monsieur le docteur peut me croire, un moment d'affreux silence, d'autant plus que le vent d'automne poussait sinistrement la fenêtre. Oui, de gros nuages cachaient un peu la lune, mais il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien sa figure, sa démarche. Il traînait lourd sa jambe de bois. Seulement, il ne faisait aucun bruit, et on l'aurait dit tout en fumée. C'était rien qu'une forme grise, vaporeuse, et c'était lui tout de même. Soudain, il a disparu. Je suis resté là plus d'une heure, grelottant, sans plus rien voir. Toutes les portes et les volets de la maison étaient fermés, pourtant. Et puis, de ce soir-là, j'ai peur dans le jardin. J'ai pas osé y retravailler, et comme va falloir que je le traverse pour entrer chez moi, je bois du marc pour me donner confiance. Et Louise de dire, avec son accent bourguignon, « Ah, vous aussi. » Et moi j'ajoutais, « Tous les trois alors. »« Comment ça ?» demanda Jacques. « Oui, vous n'osez plus travailler dans le jardin, mais moi, chaque matin, je vais y battre les tapis, et j'ai vu des traces. » Des empreintes de semelles à la file, à côté de chacune, il y avait une marque ronde, comme d'une canne qui se serait enfoncée. Ça allait dans tous les sens, on eût dit quelqu'un qui se serait promené au hasard, pour le plaisir. Et Louise, à son tour, « Les portes, les volets sont bien fermés chaque soir, mais faut croire qu'il y en a qui peuvent passer à travers. Le bougeoir et la boîte de tison qui sont toujours sur la petite table du vestibule, voici plusieurs fois qu'en descendant je m'aperçois que la bougie et les allumettes ont été dérangés, allumés, et replacés comme les replaçait toujours monsieur. Autre chose, vous savez qu'il avait ses petites manies. Quand les deux statues sur la cheminée du salon se trouvaient de face, il les remettait toujours de trois quarts en nous criant après. Depuis sa mort, je les mets toujours de face. Eh bien, les matins des bougies et des allumettes, je les ai retrouvées de trois quarts. Mais, il revient ? Souffla Jacques, la voix rauque de peur. Personne ne répondit. De l'eau glacée nous coulait dans le dos. Cette rougeur de Louise était blanche comme la nappe. Il y eut encore un abominable silence. Et alors ? Je vous assure que nous n'avons pas rêvé, monsieur le docteur. Alors, dans le calme de la grande demeure sonore, nous entendîmes au loin, au loin, sous nos pieds ou au-dessus de nous, vers la droite ou vers la gauche ou dans les combles, ça impossible de le savoir, mais c'était dans la maison pour sûr. Nous entendîmes un bruit léger, et qui nous jeta dans une épouvante sans nom, le bruit du pas de monsieur. Oui, le traînement de sa semelle et le heurt sec de sa jambe de bois. Puis le silence recommença, et à moitié fou, nous n'avons osé quitter la cuisine qu'au jour. J'ai bien recommandé aux deux autres de se taire. De même que les jours d'avant, j'avais effacé les traces de pas, et je suis venu vous trouver. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur le docteur ? Un médecin ne croit pas au surnaturel, mais je ne savais trop quoi répondre, domestique. « Mon garçon, vous avez été les uns et les autres victimes d'hallucinations, ou bien un fumiste s'amuse à vos dépens. »« Des hallucinations, monsieur le docteur ? J'ai lu des choses là-dessus dans les journaux. Je trouve pas possible que trois personnes éprouvent des hallucinations différentes et se rapportant néanmoins à un même fait. Un mauvais plaisant, il ne pourrait pénétrer dans la maison, et à peine dans le parc. Alors ? Enfin, mon garçon, que voulez-vous que je fasse ? Monsieur le docteur consentirait-il à guetter dans le parc ce soir avec moi ? Qui ne s'est jamais laissé aller à questionner un somnambule, une cartomancienne, à assister à des évocations spirites ? Tout en me trouvant un peu risible, je répondis à Félix. « Eh bien, entendu, j'accepte. Je viendrai prendre monsieur, à 10 heures. » Mais le soir, j'entendis sonner avec regret. La lampe éclairait doucement en rond la chambre chaude. Le vent de novembre sifflait dans les tuiles du toit. D'énormes nuées se poursuivaient sur un ciel bouleversé, parfois lunaire. Charmante nuit à passer dehors. « Que monsieur le docteur se couvre bien, le temps est rude. J'arrive un peu tard, mais madame est fort malade ce soir. Elle a de grosses crises d'étouffement, » dit Félix. Il paraissait ému. Dans sa face rase, un peu contractée, les yeux brillaient farouchement. Après l'immensité phosphorescente et murmurante de Paris, nous contournâmes le mi-construit Sacré-Cœur, que la lune intermittente rendait moyenâgeux dans ses madriers colossaux. Au coin de la rue de la Barre, où se balançait un sinistre réverbère à l'huile, le vent glacial nous bouscula. Passé la place du Tertre, ce fut un long mur au-dessus duquel des arbres plaquaient contre le ciel mouvant leur sommet nu et noir, puis une étroite grille de fer. C'est la seule entrée, que monsieur le docteur permette. Et quand il l'eut fermé à double tour de clé, Félix me guida dans l'ombre vers un massif. Un banc et des couvertures attendaient. Nous nous assîmes. Comme tous les terrains de Montmartre, le petit parc était en pente et de là, nous le dominions tout. La rumeur d'océan montant de la ville et les sifflets désespérés du train lointain troublaient à peine le silence colossal. À notre droite, la grande maison, carrée, sombre, dormait de toutes ses fenêtres closes. Quand, un instant, la bousculade des nues ne cachait pas la lune, nous apercevions le moulin de la Galette et ses immobiles ailes noires, puis, dégringolant vers Clichy, un fouillis innombrable de toits bleuis. Du brouillard naissait. Après une demi-heure de réflexion silencieuse, les minutes me semblèrent interminables. L'attention de mon compagnon, d'abord tendue à outrance vers les perspectives sombres du parc, se relâchait aussi. Nous commençâmes à parler à voix basse. Je fis raconter à Félix, ancien combattant du Tonkin, des histoires de pavillons noirs, de bagarres dans les rizières. En dissimulant le point rouge sous mon chapeau, je fumai une cigarette. Puis là, collet relevé, venant m'étouffler dans la grande couverture, je m'abandonnai peu à peu à la somnolence. Tout à coup, comme averti, je rouvris les yeux. Sous mon regard s'étendait un carré de pelouse borné par des massifs et par l'angle de la maison. Peu de lueurs lunaires filtraient, et le brouillard avait augmenté. Néanmoins, cet endroit, je le voyais nettement, il était vide. Or, l'instant d'après, sans que mon regard fixe l'ait vu surgir, une silhouette s'y trouvait, celle d'un homme à jambes de bois. La face vieille d'épouvante, Félix halta. « Courons !» Nous nous précipitâmes. L'être mystérieux entrait déjà dans un petit massif, presque un buisson, à côté au mur d'enceinte, et frénétiquement exploré, ce massif apparut vide. Il a traversé le mur. Les revenants, ça passe partout, venez. Et Félix guida ma course vers la porte. Du seuil, nous aperçûmes dans les profondeurs de la rue une ombre passant sous le halo rougeâtre d'un réverbère. Nous courûmes. Mais le boiteux fantastique, sans paraître se presser, gagnait sur nous. Il se jetait de ruelle en ruelle, tranquillement comme ignorant de la poursuite, avec une vitesse déconcertante. Le brouillard croissait. Un instant d'arrêt et nous perdions toute chance. Malgré l'accélération douloureuse de leur jeu, nos poumons n'aspiraient pas assez d'air glacial. Nous avons dû parcourir, en cette haletante course, tout Montmartre. Deux fois, nous revîmes l'immense étendue murmurante et phosphorescente de Paris et le sommet des escaliers qu'encadre une double file de gaz s'égrenant à pic jusqu'au marché Saint-Pierre. En des cabanes frôlées, de rocs à bois de molosses nous menacèrent. À certains tournants de rue, le vent glaçait violemment la sueur sur nos visages horribles, et le fantôme boiteux ne semblait toujours ni se hâter, ni suivre une route réfléchie. Enfin, il se décida, parut-il, par la rue Caulaincourt, qui n'était alors qu'une route boueuse. Nous y poursuivîmes, son pas infirme, mieux qu'en les ravins du sommet. Sur le brouillard épaissi, les ombres des arbres, éclairées par les rares réverbères, portaient nettement. L'aube devait approcher, car je me rappelle, au bas de quelques hautes maisons, des devantures allumées de mastroquets. De l'un d'eux sortait un terrassier. Le spectre boiteux le frôla sans qu'il parût l'apercevoir. En passant, Félix interrogea. « l'homme là qui vient de passer !» L'autre sortit ses mains de son pantalon de velours, large comme une jupe, et se mit presque en attitude de défense. « Quel homme, qui ça? Vous êtes sous ?» Nous avions déjà repris notre course. Un peu plus bas, le poursuivi disparut brusquement sous l'échafaudage d'une maison en construction. Là, mal éclairé par l'habituelle lanterne rouge, nous trébuchâmes parmi d'énormes cubes de pierre, des madriers, des tas de sable et de briques. Soudain, Félix m'arrêta. Le sol cessait, un pas de plus et nous tombions. Un vide immense s'offrait. Malgré le brouillard, nous distinguions vaguement, à 10 mètres sous nos pieds, le cimetière Montmartre, sa plantation de cyprès, sa cité de tombeaux. « Par ici, descendons !» cria Félix. En effet, un sommet d'échelle surgissait près de nous. Félix s'y engageait déjà. Je le suivis. Le bas se perdait dans le brouillard. N'allions-nous pas tomber effroyablement? Mais j'en étais à cette excitation où l'on ne recule plus. L'échelle, assez courte, conduisait seulement à une sorte d'éboulis de terre glaise, en pente plus douce, sur laquelle nous nous laissâmes glisser. Le boiteux avait de l'avance. Le rattraperions-nous? Merveille. Quand, boueux et meurtri, nous prîmes pied dans le cimetière, il était à quelques mètres de nous, comme en attente, et la chasse reprit dans le champ des défunts. Nous nous lançâmes au long des allées entre la double rangée indéfinie des tombes. Les grilles des basiliques en miniature étaient terrifiantes à passer auprès. Quelle main sèche allait en jaillir pour nous arrêter. Le brouillard et la lune centuplaient l'épouvante. Un vent inconnu agitait doucement les cyprès, entrechoquaient les couronnes violettes appendues aux bras sinistres des croix. Les ombres dures des grillages d'entourage mettaient sous nos pas des trappes illusoires. D'ailleurs, le fantôme boiteux de M. Aristide Maillard semblait ne plus nous égarer à plaisir, mais suivre un chemin connu, habituel. Nous ne courions plus, nous nous traînions, râlant. Soudain, Félix trouva la force de me dire « Nous le tenons !» « Allez par là !» et de me pousser dans une allée qui s'offrait, tandis qu'il se jetait dans une autre. L'ancien soldat ne se trompait point. Les deux allées n'en faisaient qu'une, circulaire, courte. Le boiteux nous appartenait. Il s'arrêta et monta sur une tombe qui avançait un peu sur la route. Il s'y tint un instant immobile. Avec un élan qui me surprend encore, je me ruais vers lui, pendant qu'à travers le brouillard, j'apercevais Félix se précipiter de même en sens inverse. Nos bras se rejoignirent. L'être mystérieux venait de disparaître comme une flamme soufflée. Autour de nous, des tombes, basses, plates, rien qui pût cacher un être humain. Alors, c'était donc... Un instinct me poussa. Je frottai une allumette et déchiffrai l'inscription en lettres d'or sur marbre neuf de la tombe où le spectre s'était évanoui. Elle commençait ainsi. Ici repose Aristide Maillard, décédé le 6 juin, en sa 47e année. Je ne raconterai pas comment, dans le brouillard, nous retrouvâmes la montagne de glaise et l'échelle. Je jetai ma porte à la face de Félix, je m'injectai une seringue de morphine, et un sommeil formidable m'écrasa. L'après-midi, réveillé, je risquai, après quelques verres d'eau de sels glacés, une analyse de l'extraordinaire aventure. Mais en excluant le surnaturel, je ne parvenais à aucune explication. Je ne croyais qu'en mon microscope, qu'en mon scalpel ou mes analyses. Pourtant, les occultistes amis que j'accablais de sarcasme avaient-ils raison? Une idée me surgit. Monsieur Aristide Maillard, je ne l'avais pas vu mort. Sa convalescence, me souvins-je, s'annonçait bien. Je crus pouvoir le quitter pendant un voyage obligatoire à Munich où se tenait un congrès médical. C'est là-bas que j'appris sa mort. Cet exemple d'hémorragie intestinale tardive n'est d'ailleurs pas rare, mais enfin, je m'habillai et me rendis chez le médecin des morts du quartier. Ses souvenirs étaient nets. Il avait constaté le décès de M. Maillard au froid du visage et à l'examen de l'œil. La description qu'il donna du cadavre, barbe en collier, forte tête, aspect épuisé de qui succombe après une longue maladie, était exacte. Indéniablement, M. Maillard ne vivait plus. Qu'avions-nous donc poursuivi? Au soir, comme je me couchais, Félix, en grande hâte, vint me prier de me rendre aussitôt auprès de Mme Maillard dont le mal s'aggravait. Je m'étonnais qu'elle ne s'adressât pas à son médecin ordinaire. Les soins de celui-ci ne la soulageaient plus, annonçait Félix. Je dus m'habiller. « Eh bien, Félix, vous avez une drôle de figure. Et ce fantôme ?» Il répondit. « Oh, monsieur le docteur, c'est pas fini. Je m'y prendrai autrement. » Madame Maillard, forte personne d'une quarantaine d'années, étendue sur un divan, dans une grande chambre empestée d'éther, m'accueillit avec une évidente émotion. « Excusez-moi, docteur, de n'avoir pas eu plus tôt recours à vos soins. Mais vous avez soigné mon pauvre mari, et votre nom seul me rappelle cruellement sa mort. Ah, je suis bien malade. Tout à l'heure, j'ai cru que j'allais passer. » Je l'examinai. Sa maladie de cœur atteignait la dernière période, mais la crise décroissait. L'issue fatale pouvait tarder encore plusieurs mois. Je prescrivis un breuvage apaisant et surtout d'éviter toute émotion. « Docteur, c'est difficile. Il se passe ici des choses. Oh, des choses !» Son visage bouffi d'aortique exprima l'effroi. Mais j'y lisais autre chose. Quoi ? Que se passe-t-il donc, madame ? Sans se faire prier, à voix basse, elle m'informa. « Docteur, mon mari qui est mort dans mes bras, dont j'ai suivi le cortège, eh bien, il reparaît ici. » Et elle me fit un récit qui confirmait celui de Félix. M. Maillard, d'après elle aussi, errait la nuit dans la maison. Et elle l'avait plusieurs fois entrevu dans le jardin, par la fenêtre, alors que les accès de suffocation la contraignaient à se lever et à marcher dans sa chambre. Je lui assurai en riant que c'était là de pures imaginations, mais elle insista. « Qu'en pensez-vous, docteur ? Saviez-vous que cette maison fut hantée ? On ne vous en a jamais parlé ?» Ses yeux m'interrogeaient avec force. Je voulus détourner ce sujet de conversation. Elle l'y ramena. Soudain, une forte détonation retentit dans le parc. Madame Maillard, dressée sur la pointe des pieds, trébuchante, la tête en arrière et les mains crispées aux tempes, hurla « Au secours !» et retomba sans connaissance sur le divan. Tout en la soignant, je sonnai. La cuisinière parut. « Ce n'est rien, monsieur. Félix a cru voir un malfaiteur. Il a tiré un coup de revolver, mais il n'a rien touché. » Madame Maillard, qui revenait à elle, insista. « Vous êtes sûr ? Il n'atteint personne. « Oh, personne, madame. Peut-être bien même qu'il n'y avait personne, qu'il a tiré sur une ombre. » Félix dut venir raconter lui-même son erreur ou sa maladresse. La malade parut alors rassurée et désireuse de rester seule. Si loquace tout à l'heure, elle me congédia presque. Félix me reconduisit. « Ah, monsieur, je le voyais si bien. C'était tout, monsieur Maillard, sauf qu'il est grisâtre, qu'on dirait du brouillard plus épais. J'ai si bien visé, et il a disparu comme hier. » Le lendemain matin, je faisais une analyse de sang de fiévreux quand un fiacre termina devant ma porte sa pénible ascension. Un commissionnaire en descendit. Il venait me chercher, dit-il, de la part de monsieur Roger Martin, un rentier du quartier de Billancourt qui réclamait mes soins. Roger Martin, j'ignorais ce nom. Sans doute un de mes anciens professeurs me faisait-il demander, comme il arrivait parfois, pour l'aider ou le suppléer. Je mis un pardessus et montai dans le fiacre. À contre-sens des tintants de vitres, parurent des quartiers dissemblables. Puis ce furent le viaduc d'Auteuil, une série de cabarets à balançoires et des ruelles. Devant une maison pauvrette, le fiacre s'arrêta. Au quatrième, je poussai une porte entr'ouverte. Dans une petite salle à manger, un monsieur se leva d'une table où il écrivait. « Ah, mon cher confrère, dit-il, je me présente à bout, je suis médecin. Et on m'a appelé ce matin auprès de monsieur Roger Martin, qui était attaqué par des rôdeurs la nuit dernière. » Il continua à voix plus basse. « Une balle dans la colonne vertébrale, paralysie progressive, un sale gars, rien à faire. » Sous le désir du malade, je vous ai envoyé chercher. Je vais vous laisser auprès de lui. » Je suivis mon collègue. Dans le lit de fer de la petite chambre, un gros homme tourna vers moi sa forte tête, très pâle, à barbe en collier. Et je retins un cri de stupeur en reconnaissant M. Aristide Maillard. La porte close sur l'autre médecin, le blessé, vite, se mit à parler d'une voix basse et octante. « Docteur, bientôt je ne pourrai plus dire, ni même entendre. Comment va ma femme ? Rien de sérieux, n'est-ce pas ?» Il ne savait donc point la gravité du cas. Je lui assurai que Mme Maillard ne courait aucun danger. « Écoutez maintenant. Quand vous êtes parti, à la fin de ma convalescence, un coup de baisse venait de me ruiner. Du jour au lendemain, plus un sou. Je pensais que si la typhoïde ne m'avait point pardonné, ma femme eût touché une assurance considérable, depuis longtemps contractée par moi pour elle. Cette idée m'en inspira une autre et j'obligeai ma femme à la mettre à exécution. Un bohémien, un bannier, venait de mourir dans une roulotte arrêtée depuis la veille au milieu d'un terrain vague près de la maison. Pour 200 francs, son fils accepta de transporter le corps de son père chez nous la nuit. Par hasard, le cadavre me ressemblait un peu. C'est lui qui examina le médecin des morts, c'est lui qui fut enterré à ma place. Mais c'est moi que les domestiques avaient vu après une agonie simulée. Oui, moi. J'étais si maigre, si pâle, qu'en fermant les yeux et en entr'ouvrant la bouche, je paraissais aussi mort qu'un vrai mort. Ma femme, comme affolée de désespoir, affecta de vouloir que personne n'approchât le cadavre jusqu'à ce que le cercueil fût clos. J'ai été parti la nuit précédente. Ah, bien faible. J'ai dû rester 15 jours encore couché, sous un faux nom, dans un hôtel. Puis je louai ici. Et la compagnie paya le premier trimestre de la rente à ma femme. La vie de celle-ci était assurée. Un peu l'éther, docteur. Malgré la vapeur animante, je dus pencher mon oreille jusqu'à ces paroles qui râlaient. Ma femme venait me voir, mais elle tomba malade. Il fallut bien que ce soit moi qui vienne, la nuit, sous une grande blouse grise. Vous m'avez poursuivi comme je venais de sortir par la fenêtre. J'ai quitté le jardin par une petite porte cachée derrière un tronc d'arbre et que dissimule du côté de la rue un énorme tas de ronces. Le hasard de la fuite m'amena dans la maison en construction, puis dans le cimetière. Je leur l'idée de me faire passer pour un être fantastique. J'étais souvent venu voir ma prétendue tombe. Je parvins à la retrouver, et à votre approche, je me jetai à plat ventre entre deux tombes si rapprochées qu'il était impossible de me supposer là. Oh, je me suis plutôt froissé, contusionné. J'ai reconnu alors votre voix. Vous ne vous doutiez pas que j'étais à 2 mètres de vous. Dans la journée, j'ai prié par télégramme ma femme de vous compter pour fortifier la légende que mon spectre hantait la maison. Ce soir, j'attendais votre départ pour entrer. Mais on m'a perçu, on a tiré. J'ai pu me traîner jusqu'à un fiacre et inventer une histoire. Mais j'ai eu peur que vous ne deviniez tout. Et je vous ai fait venir pour vous demander sur l'honneur, le secret. Refuserez-vous votre parole à un agonisant ? Je réfléchis. Madame Maillard bientôt ne coûterait plus rien à la riche compagnie d'assurance. Cet homme allait mourir. Je donnais ma parole. Mais il y a 20 ans de cela, et j'ai changé les noms. Ainsi s'achève Le fantôme boiteux par Jean-Joseph Renaud.